Le 1er août, à Pyongyang, est constitué le comité préparatoire coréen pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'Actesan 2017. L'encensis du jeté 2017 marque le 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung, le 75e anniversaire de naissance du général Kim Jong-il, le 100e anniversaire de naissance de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, et le 5e anniversaire de la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste suprême du Parti Travail de Corée et de l'État. La présidente du comité pour les relations culturelles avec l'étranger, Kim Jong-suk, présidente du comité coréen pour la solidarité avec les peuples du monde, est élue présidente du comité préparatoire coréen pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'Actesan 2017. Les vice-présidents sont Lee Yong-chul, chef adjoint de département du comité central du Parti Travail de Corée, Park Song-il, vice-président du comité de radiodiffusion-télévision de la République populaire démocratique de Corée, et Oh Yong-chul, vice-ministre de la Culture. Le vice-président du comité pour les relations culturelles avec l'étranger, Park Kyung-il, vice-président du comité coréen pour la solidarité avec les peuples du monde, est élu secrétaire général. Le comité préparatoire a décidé de livrer davantage diverses activités pour transmettre et faire briller dans le monde entier la grandeur et les exploits des grands hommes d'Actesan en étroite collaboration avec les comités préparatoires régionaux et nationaux constitués dans le monde et d'organiser bien le travail pour l'ouverture fructueuse du rendez-vous qui tiendra à Pyongyang et au Mont Baektu en 2017. Selon l'aspiration et le vœu unanime des peuples progressistes du monde, les comités préparatoires de l'Asie-Pacifique, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Océanie et de la région arabe pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes d'Actesan 2017, ainsi qu'une soixantaine de comités préparatoires, sont constitués dans une cinquantaine de pays jusqu'à présent pour livrer diverses activités de célébration.